Ghost Shell a volé plus de 39 millions de comptes sur des serveurs internet mal protégés. Les pirates se plaignent des serveurs mal configurés.